3, 14, 116. Une émission de Pierre Dac. Ah. Oui, alors, bon, à part ce qui ne va pas, tout marche bien. Oui, oui, ça va, ça va. Parfait. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose de particulier à dire? Non, pas, non, ah, pas moi, toujours. Non, moi, j'ai rien à dire du tout. Bon, alors, l'émission est terminée, ça va. Voilà, bon, salut. Voilà. Attendez, Pierre, non, parce que je crois que le monsieur qui est au fond du studio, là, ouais, avec la canne et la barbe, là, je crois qu'il voudrait... L'Institut national de la statistique communique les chiffres suivants pour la période comprise entre le 15 septembre et le 31 octobre 1964. 6201, 12483, 10111, 987, 678, 1224, 48, 96, 192, 4999 et 267 782. Il va de soi que nous ne savons absolument pas à quoi se rapportent ces chiffres, dont nous garantissons toutefois la parfaite authenticité et la rigoureuse exactitude, n'est-ce pas ? Et moi, qu'est-ce que je fais ? Oui, ça va aller faire l'addition, vous. Oh là là, oui. Et voici notre grand concours. Oui, voici notre concours de la semaine. Veuillez prendre une feuille de papier et un crayon, ou une tablette de cire et un stylet, ou une plaque de marbre et un burin, ou un mur en plâtre et un pinceau, ou une demi-livre de beurre et votre doigt trempé dans l'eau chaude. Ouais. Enfin, prenez quelque chose pour prendre des notes. Je peux prendre n'importe, moi, si vous voulez. N'importe quoi. Ouais. Prenez ce que vous voulez, d'ailleurs. Bon, ouais. Bon, alors notre concours d'aujourd'hui est le grand concours de la question subsidiaire. Ah, voilà, ça, je suis content. On est bien, enfin. Oh, on a parlé de ce concours. Voici la question. Combien de réponses allons-nous recevoir à cette question? Combien de réponses allons-nous recevoir? Dès que je répète, Alors, combien de réponses allons-nous recevoir à la question? Combien de réponses allons-nous recevoir? Voilà, c'est bien posé. J'ai encore moins compris que la première fois. Très bien. En cas d'ex-aequo, il est bien évident que le jury départagera les concurrents en faisant piquet, collégram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram, piquet, collégram. Et voici notre service d'entraide. Eh bien voilà, n'est-ce pas, c'est pour un de mes amis, n'est-ce pas, un chic camarade, que je vous demanderai aujourd'hui d'avoir un geste. Il s'agit de Philippe de la Charnière Montbillet. Alors imaginez-vous que ce pauvre garçon est dans un terrible embarras. Il doit se marier dans 3 semaines. Ah, bravo, bravo. Philippe va habiter avec sa femme le charmant château de ses ancêtres, 12 pièces sur la Loire, avec salle de bain, cuisine. Ah, bravo, bravo. Oui, écoutez, cessez de dire tout le temps bravo, n'est-ce pas, c'est agaçant. Alors je vous demande d'aider Philippe, parce que ce pauvre garçon a du mal à joindre les deux bouts. Pour sa lune de miel, il voulait payer à sa femme une croisière aux Indes. Ah. Et ne dites pas bravo. Et comme il vient de s'offrir un Chris Craft, il se retrouve sans un sou. Il risque de perdre la face, il a horreur de ça, sans compter qu'il se faisait une fête, naturellement, tous les deux d'aller aux Indes. Alors vite, vite, adressez-nous, je vous en prie, vos mandats, vos chèques, vos dons en espèces. Vous ferez 2 heureux, vous aiderez 2 jeunes gens, un couple bien sympathique, à démarrer d'un bon pied dans la vie. D'avance, et en leur nom, je vous dis un grand merci. Encore bravo. Et voici maintenant l'éditorial de Pierre Dac. Et entre nous, faut se le farcir. Voyou, escroc. Messieurs, dames, Quoi? C'est tout? Oui, c'est tout. Ah, c'est maître. Permettez, la semaine dernière, je voulais saluer un tas de personnalités, mais même pas m'avait envoyé sur les roses, alors ça va comme ça. Allez, c'est bon. Messieurs, dames, en notre époque d'accélération permanente, chacun de nous a de plus en plus la nette tendance à rendre les autres responsables de tout ce qui peut lui arriver personnellement de fâcheux. Pour illustrer cette thèse, prenons à titre d'exemple le comportement de l'automobiliste moyen. Quel est le conducteur d'un quelconque véhicule qui, à quelques moments, ne s'est pas écrié nerveusement « Ça devient impossible, on ne peut plus rouler, on frise l'accident à tout instant. » Et tout ça, la faute à qui? Aux autres, dont il faut se méfier à chaque seconde. Par voie de conséquence, toute infraction au code de la route, tout dépassement en haute côte, tout clignotant actionné à gauche pour avertir quand on tourne à droite, et inversement, toute queue de poisson, etc., etc., rien de tout cela ne se produit jamais par sa propre faute. Et toujours et exclusivement les autres qui en sont responsables. Et naturellement, les autres, vis-à-vis de vous, tiennent exactement le même raisonnement, ce qui rend le problème positivement insoluble. Les uns voulant demeurer ce qu'ils sont, et les autres aussi, tout en perdreau que... Hein? Perdreau. Oh, pardon, je me suis trompé de volaille. Tout en faisant... Oui, ah, perdreau, ouais, oui. Ouais. Tout en faisant cas. Le problème, dans ces conditions s'avérant insolubles, inutile donc d'épiloguer davantage. Aussi, me contenterai-je en guise de conclusion de rappeler cette édifiante pensée de M. le conseiller du commerce extérieur Jean-Marie Prolier. Après tout et tout compte fait, si on ne peut pas faire ce qu'on veut chez les autres, autant rester chez soi. Ce qui paraît être l'expression idéale de la sagesse universelle. Bon, alors, personne n'a rien à ajouter. Si, le barbu de tout à l'heure, là, qui nous fait des signes. Voici les chiffres communiqués par l'Institut national de la statistique pour la période comprise entre le 1er et le 15 novembre 1964. 8, 941, 3945, 1870, 1871, 14, 18, 609, 906, 1515, 1286 et 1815. Pardon, vous avez bien dit 1815? Oui, le chiffre est authentique, monsieur. Je ne dis pas que le chiffre soit authentique, mais je ne pense pas qu'étant donné la conjoncture politique internationale actuelle, on puisse publier ce chiffre, monsieur. Ah oui, oui. Eh ben, je vais quand même vérifier, vous avez sans doute raison, monsieur. Oui, oui, c'est curieux. C'est pas un chiffre à dire. Et voici la minute de la délation par Jeanne-Adèle Chaldincourt-Murtaud du Chasoir de la Rivolerie. Pourquoi le cacher alors que chaque jour tout le monde le voit, tout le monde s'en rend compte? Il se passe dans Paris des choses pas propres chaque jour. Par exemple, des hommes âgés salissent les voitures en stationnement. Ils profitent de ce que les propriétaires ne sont pas là pour coller sur les pare-brises de dégoûtants petits bouts de papier. Le plus grave, c'est qu'il s'agit d'une véritable bande organisée et que personne n'ose dire à ces vieux messieurs que ce qu'ils font, c'est répugnant. À quoi pensent nos services de balayage? À quoi sert de gratter les vieux immeubles de notre belle capitale si pendant ce temps-là, des gens s'amusent à répandre des bouts de papier partout? À cela, il y a un responsable. Et ce chef, nous n'hésiterons pas à le nommer, il s'appelle Papon. Monsieur Papon, nous ne vous le redirons pas, vous êtes responsable de cet état de choses. La semaine prochaine, nous n'hésiterons pas à compléter cette chronique de la délation, à moins que d'ici là, vous n'ayez eu un geste. Je vous rappelle notre numéro de compte chèque postal, 3-14-116 Paris. Chers amis, n'hésitez pas. Si vous surprenez une personnalité connue dans un lieu équivoque, faisant quelque chose de pas beau avec quelqu'un de pas propre, si vous voulez vous venger de quelqu'un ou si vous voulez vous débarrasser d'un gêneur, oui, n'hésitez pas. Écrivez à Jeanne-Adèle Chaldincourt-Murtaud du Chasoir, avec un Z, de la Rivolerie. Et voici nos petites annonces. Échange. Échangerait bon rien contre quelque chose. Écrire à Monsieur Toutoun, 3-14-116. Arménager. Balai électronique, 357 francs. Plumeau à transistor, 192 francs 15. Serpillière télécommandée, 915 francs 90. Machine à laver dernier modèle à tambour, 1490 francs 5 centimes. Baguette de rechange, les deux, 12 francs 75. Optique. Lunettes spéciales à gouttière permettant de pleurer avec. La paire, 57 francs 95. D'hiver, fils ingrat, plein de remords, désir louer père et mère pour les vacances de Noël. Et voici la chronique du professeur Ringard. Je suis en colère. Alors bon. Alors. Aujourd'hui, messieurs, je viens sur le coup de l'indignation la plus légitime pour protester contre les agissements de certains. Et il ne s'agit pas d'une petite protestation pour la forme, d'une protestation ordinaire ou banale. Oui. Il s'agit d'une énorme protestation, d'une protestation gigantesque, d'une colossale protestation, une protestation qui doit frapper fort et puissamment. Oui. Il a des poils dans les oreilles. Votre cravate ne va pas avec votre veston. Ben non, c'est évidemment... On ne met pas une cravate club avec un fil à fil l'aîné soi. Ah, vous croyez, professeur? Ah non, c'est très laid. Qu'est-ce que je fais? Je retire le veston? C'est très laid. Ça me gêne, ces poils. Je proteste donc avec une énergie farouche et pour une fois, sans tenir compte de mes sentiments personnels, mais au nom de la justice et quelles que soient les pressions que l'on puisse exercer sur moi. Bon, je vais retirer ma cravate, alors, finalement. P- Personne n'a de pastille pour les reins. Ah, non, pas de la poudre ni des. Je veux dire une pastille. Oui. N'avez pas en goutte, moi j'en ai en goutte. Non, pas de goutte non plus. Je voudrais. Non plus, je voudrais une pastille. Vous n'avez pas de pastille, non. Non, on n'a pas de pastille. Revenons à notre sujet. Je proteste et cette protestation est une pétition que je signe moi seul. J'en ai pris plein l'œil, hein. Et quoi que vous puissiez dire et faire, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ouais. Ça vous a plu? Oh, c'est pas attends, professeur. Voilà. Ça, alors, oui. Personne ne sait faire les piqûres. Et... Ah, parce que ah, vous... Si, la machine, si, moi, je sais faire les piqûres. Vous faire les piqûres. Oui, ah, oui, ça, on va faire une piqûre. Oui, on va vous la faire tout de suite, professeur. Penchez-vous donc, professeur. Voilà, voilà. Dans le cadre de nos enquêtes intitulées « Les hommes les plus », nous avons la joie d'accueillir à notre micro l'homme le plus malade de France, René Fribourg. Monsieur Fribourg, racontez-nous votre histoire. Oh, ça a commencé tout bêtement, il y a 5 ans. Je me suis fait opérer d'un panaris au doigt, et en me remboursant, la sécurité sociale s'est trompée, elle m'a donné beaucoup trop d'argent. C'est rare. C'est bien pourquoi je l'ai gardé là-dessus. 6 mois plus tard, on me convoque à ma caisse, et on m'explique qu'on m'avait remboursé pour un appareil dentaire. Il fallait que je rende l'argent ou que je me fasse arracher les dents. J'avais pas le choix, je voulais pas me faire arracher les dents. Alors, j'avais déjà dépensé l'argent. Et alors ? On m'a fait un dentier. Ah. Le dentiste m'a rempli une feuille de sécurité sociale. On a là mes lunettes. À la caisse, ils se sont encore trompés en me remboursant. Moi, j'ai rien dit, je pensais que ça passerait à l'os. Pas du tout, 2 mois plus tard, on m'explique qu'on m'avait remboursé pour une opération de l'appendicite. J'ai peur de comprendre. Eh oui, alors j'avais encore dépensé l'argent, que voulez-vous. Je me suis fait enlever l'appendice. Après ça, j'étais pris dans l'engrenage, quoi. En 5 ans, on m'a opéré 6 fois la clavicule, on m'a refait 14 fois mes lunettes, oui. J'ai changé 27 fois sa mêlée orthopédique et j'ai fait 34 cures à Vichy, monsieur. Et c'est ainsi que, par hasard, en somme, vous êtes devenu l'homme le plus malade de France. Oui, monsieur, malade je suis. Je suppose... Je suis un débris, monsieur. Je suppose que vous en voulez terriblement à la sécurité sociale et vous n'avez pas. Mais bien sûr que je leur en veux, monsieur, bien sûr. Il y a 5 ans que j'ai été opéré pour mon panaris et on m'a pas encore remboursé, monsieur. C'est scandaleux. Dites donc, il n'y a rien de nouveau dans la météo ? Non, absolument rien. On peut partir maintenant, je crois. Bon, alors ça va. Oui, alors pour la période comprise entre le 16 et le 27 novembre 1964, 1214, 89, 621, 12, 36... Non, le compte, mettez-moi pas. J'avais encore un chiffre à dire. Bon, bah dites-le. Bah voyons, c'était 3, 14, 116. Une émission de Pierre Dac. Avec ses statisticiens demeurés, Jean-Yann, Jean Bardin, Robert Namias, Roger Carrel, Claude Dasset, Laurence Riesner. Avec la mathématicienne Elena Bossis. Et de qui la règle a calculé ? Mais Pierre Arnaud de Châssis 22, voyons.